soir tu fais un beau dessin. Je vois ton visage me sourire. Tu n'as pas choisi ton destin. Je ne sais pas comment te dire. Ai-je le droit, mon Dieu, d'hésiter? Pourrais-je pour son bien lui mentir? Pourquoi lui dire la vérité et lui faire taire tous ses rires? Pourquoi la vie est-elle si dure? Pourquoi la vie est-elle si sûre? Je n'ai même pas pu la pleurer. Je dois déjà y renoncer. Mes larmes se coincent dans ma gorge. Je ne sais même pas pour qui je pleure. Je te parle ce soir, mon cœur, pour te dire que maman est morte. Je te serre très fort les mains. Je vois que tes yeux étincellent. Tu me réponds de ta voix belle. Oui, mais quand est-ce qu'elle revient? Je te promets, oui, mon amour, que maman voulait bien ce soir. Elle voulait, comme tous les jours, te raconter une belle histoire. Ce soir, c'est papa qui raconte. Maman n'a pas pu arriver. Elle a déjà quitté ce monde et elle te fait de gros baisers. Elle aurait voulu rester plus à l'école, venir te chercher. Je ne te mentirai pas, ma puce. Demain, c'est moi qui t'attendrai. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Pourquoi maman ne rentre pas? Mes yeux ne veulent plus m'écouter. Le marchand de sable a-t-il passé? Je préfère quand tu me parles sans ta voix, que tu m'écoutes sans tes oreilles. Ta petite fille a bien sommeil.